Aight. I be. On m'a dit de choisir entre l'amour et la haine. Choisir la haine car l'amour amène toujours à la haine. À part celui venant peut-être de ce que j'aime. Alors les touches, je vous le dis, c'est même pas la peine. C'est la devise de celui qui parle bête, passe, mange des coups. Aïe, j'ai enfin compris que se battre pour 900 vaut pas le coup. Je compte pas sur toi pour percer, j'arriverai à coup de perceuse. En fait, qu'il y a un petit vol approche en main avec la faucheuse. Au jour d'aujourd'hui, y'a que deux choses que je pourrais regretter. L'une, pas les prier, l'autre, d'avoir frappé la fille que j'aimais. Préparez-vous, la bombe va bientôt exploser. Préparez-vous à ma haine, les MC seront exposés. Je cours après le bonheur, mais les échecs se succèdent. J'ai beau persister sans succès, tout part en sucette. Viens, viens voir ce qui se passe en bas de chez moi. Viens, je vais te montrer être maoré, c'est quoi. C'est l'habitude, me lever en retard. Péter un plan, remettre toujours toi à plus tard. Mec, c'est une habitude, sauver les studs. Ou se faire lever, ou une histoire de stup. Ici, c'est une habitude, H24 t'es frais. Tu te prends jamais la tête, prêt pour faire la fête mon gars. C'est l'habitude, j'en place une pour mon bête. Le deuxième pour le Vendest, et le troisième pour la mif. T'inquiète pas, ton manque chéri, je vais y remédier. Compte pas sur moi pour vous dire, s'il vous plaît, faut que vous m'aidiez. Tu es des traîtres autour de moi, donc je dis, fuck l'amitié. Reviens-moi parce que tu m'aimes, mais non pas par pitié. Je suis insolent, oui je le sais, la vie m'a mal éduqué. Ah bon, j'aime pas ta gueule, pas merde, va falloir m'excuser. L'amour me suit, mais que j'essaie de l'esquiver. Putain, ça va plus, je me sens tout lessivé. Si c'est pour parler bête, autant te taire. T'as remarqué mon pote que je reste toujours déter. Surtout quand il s'agit de représenter le terre-terre. Parle pas mal, sinon ça fera boum boum, suivi ta tête par terre. Allo, allo, je suis pas là, vas-y va voir père là-bas. T'es contre moi, tant pis pour toi, je vais te la faire vers son père l'arbre. C'est l'habitude, me lever en retard. Péter un plan, remettre toujours toi plus tard. Mec, c'est une habitude, sauver les studs. Ou se faire lever, ou une histoire de stup. Ici, c'est une habitude, H24 t'es prêt. Tu te prends jamais la tête, prêt pour faire la fête mon gars. C'est l'habitude, j'en place une pour mon bête. Le deuxième pour le Vendest, et le troisième pour la mif.